Vous ne connaissez pas la misère à son dernier épisode, la honte, le déshonneur. J'ai tenté de vous éclairer. Je voulais vous sauver, vous et votre fille. Eh bien, vous épellerez la parabole moderne du père prodigue, depuis la première jusqu'à la dernière lettre. Vos larmes et votre fierté me touchent, car voir pleurer une femme qu'on aime, c'est affreux, dit Crevel en s'asseyant. Tout ce que je puis vous promettre, chère Adeline, c'est de ne rien faire contre vous, ni contre votre mari, mais n'envoyez jamais aux renseignements chez moi. Voilà tout. Que faire donc ? S'écria madame Hulot. Jusque-là, la baronne avait soutenu courageusement les triples tortures que cette explication imposait à son cœur, car elle souffrait comme femme, comme mère et comme épouse. En effet, tant que le beau-père de son fils s'était montré rogue et agressif, elle avait trouvé de la force dans la résistance qu'elle opposait à la brutalité du boutiquier. Mais la bonhomie qu'il manifestait au milieu de son exaspération d'amant rebuté, de beau garde national humilié, détendit ses fibres montées à se briser. Elle se tordit les mains, elle fondit en larmes, et elle était dans un tel état d'abattement stupide qu'elle se laissa baiser les mains par Crevel à genoux. « Mon Dieu, que devenir ? » reprit-elle en s'essuyant les yeux. « Une mère peut-elle voir froidement sa fille dépérir sous ses yeux ? Quel sera le sort d'une si magnifique créature, aussi forte de sa vie chaste auprès de sa mère que de sa nature privilégiée ? Par certains jours, elle se promène dans le jardin, triste, sans savoir pourquoi. Je la trouve avec des larmes dans les yeux. » « Elle a 21 ans, dit Crevel. « Faut-il la mettre au couvent ? Demanda la baronne. « Car dans de pareilles crises, la religion est souvent impuissante contre la nature, et les filles les plus pieusement élevées perdent la tête. »